L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Lauria Paris, bonjour. Vous êtes metteur en scène, artiste référent en milieu scolaire pour l'apostrophe. Vous allez nous parler d'un spectacle qui a pour titre Cage, qui est en fait une trilogie qui se construit autour de ce spectacle avec Fille de notaire, Zone d'ombre, Version des faits. C'est une création 2017-2018 pour ceux et celles qui nous écoutent. Et ce spectacle sera à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre les lundis 4, 11 et 18 décembre à 20h30. Avec une répétition publique qui sera organisée avant tout cela, au mois d'octobre, de mémoire, c'est la date du 27 octobre à 19h au Théâtre des Arts. Alors venons-en d'abord peut-être, avant de parler de cette trilogie, ici, du propos, voire des sujets qui traversent cette proposition, de l'auteur Stefano Massini. Auteur qui s'intéresse à des sujets dont le point commun de chacune de ces propositions qui forment cette trilogie, c'est l'enfermement carcéral, c'est un peu ça ? Oui, effectivement. Donc ces trois dialogues ont été écrits par l'auteur dans un parloir de prison. C'est la rencontre entre une mère écrivaine mondaine qui vient voir sa fille terroriste non repentie qu'elle n'a pas vue depuis 12 ans. Entre un père, professeur émérite de géologie, qui a signé l'autorisation pour construire un immeuble qui s'est effondré, parce que construit sur un terrain pas propice, qui dialogue avec sa fille violoniste, qui le croit innocent, et une dame d'un certain âge qui dialogue avec une avocate commise d'office, et on comprend à la fin qu'elle a débranché son enfant qui était en état végétatif pendant 16 ans. Trois situations qui, au départ, n'ont pas de rapport, on est bien d'accord. Trois situations qui amènent effectivement trois personnes en prison. Et là, le dialogue, voire les dialogues, parce qu'on va assister, c'est là la performance, c'est là peut-être même un défi pour vous, c'est que ces trois dialogues se poursuivent sous le regard du public en même temps. Exactement. J'ai déjà répété avec les comédiens et nous avons construit un enchaînement. C'est-à-dire qu'on est avec deux qui parlent, et puis après on passe aux deux autres, et puis on revient. Et on s'aperçoit en faisant ce va-et-vient entre les différents dialogues qu'on ne perd jamais le fil. Combien même on s'arrête un temps, quand on les retrouve, on a le souvenir de ce qui s'est joué. Tant les pièces sont précises et vont loin dans l'examen, l'analyse de ce qui se joue entre deux personnes quand elles sont en refus de dialogue, quand elles sont en rupture. Oui, parce qu'effectivement, les trois dialogues ne sont pas nourris de manière permanente, non-stop. En même temps, c'est vrai que d'assister dans trois espaces distincts à une seule pièce de théâtre, c'est ça, on se dit on risque de perdre le fil de l'histoire de chacune de ces histoires. Alors, c'est quoi la magie ? Moi, je l'ai vécu en répétition, en tous les cas, je peux dire. Ce qui nous tient, c'est ce qui se joue entre les personnages. Et comme ce qui se joue est très important, on ne l'oublie pas. C'est une question de sensation très forte du spectateur et aussi des acteurs. Parce que ce qui est beau aussi, c'est que quand ils sont dans le silence, entre les moments où ils parlent, la vie continue pour eux. Ils ne se figent pas. Et il y a des choses qui se jouent dans le silence entre les comédiens, qui sont parfois aussi, au détour d'une conversation chez quelqu'un d'autre, très significatifs. Vous parlez d'une forme de miroir réfléchissant pour le public. Chacune de ces situations nous amène à se poser des questions comme celle-ci. Quelle place tient notre conscience ? De quoi sommes-nous responsables ? La notion de responsabilité. Sommes-nous responsables de ce que nous sommes nous-mêmes ? Donc c'est vrai que c'est un spectacle et trois situations qui interpellent le public. Oui, par exemple, quand la dame âgée, au tout départ, ne veut pas répondre aux questions de l'avocate, elle se refuse de rentrer dans une conversation réelle. Parce que finalement, ce qu'elle a à dire, c'est qu'elle a fait un acte qui est interdit par la loi, mais qui était pour elle indispensable pour continuer à vivre. C'est-à-dire que finalement, elle dit « j'ai tué une machine, je n'ai pas tué un corps », parce que le corps, lui, il était déjà mort. Et donc, si vous voulez, en posant cette question qui est dure, qui est violente, elle raconte son destin de femme, mère, blessée, qui tout d'un coup décide de prendre son destin en main contre la loi. Donc elle est face à sa prise de responsabilité. Elle ne se plaint pas, à aucun instant de la pièce, elle ne se plaint de sa condition. Juste, la pièce pose le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus qu'une machine dans une pièce d'hôpital et qu'il y a un corps? Et donc ces choses-là résonne chez nous, les spectateurs, parce que finalement, un metteur en scène, c'est le premier spectateur d'une pièce, celui qui la monte. Moi, je me suis posé tout le temps la question pendant que je travaille, et c'est pourquoi j'aime ces pièces, c'est les hommes, les individus, face à leur propre responsabilité. Il y a une phrase très belle, le père, professeur, dit à sa fille, « Pour que je puisse te dire la vérité, il faut que tu oublies que je suis ton père. À partir de maintenant, je ne suis qu'un homme. » Et quand il lui avoue la vérité, ce qui pour elle est insupportable, il dit « Voilà, je ne suis plus ton père. Je suis un homme au pied du mur de ma propre responsabilité. Et j'assume ce que j'ai fait. Et je dois l'assumer et je n'ai pas le choix. » Ce type de dialogue ne se vit que dans une situation d'enfermement, parce que les trois situations, on est dans des variations d'enfermement. C'est le dialogue entre l'individu et le collectif, et quand il y a interruption de ce type de dialogue, c'est là que le passage à l'acte peut se produire. Et pour en venir au titre de votre spectacle, La Cage, c'est là que se construit pour chacune de ces situations, pour chacun de ces enfermés, la fameuse cage. Oui, c'est-à-dire que finalement, ceux qui viennent de l'extérieur viennent dans la cage. Mais on s'aperçoit que chacun est dans une cage. Et la mère écrivaine, à un moment donné, c'est très animé et tout, et elle dit, elle est écrivaine, elle dit, c'est l'écriture, ma cage. Elle dit, ce qu'on fait le mieux dans sa vie, c'est une cage. Ça devient une cage. Une cage sans mur, sans barreaux, finalement, c'est déjà la cage mentale. Absolument. Et je trouve que l'auteur, cette chose, il la rend très clairement. C'est-à-dire que l'enfermement, qu'il soit physique ou qu'il soit mental, il est partout, l'enfermement. Et même une logique, comme la logique de la terroriste, d'accord, elle est en prison, mais elle est enfermée dans sa logique. Elle se tient par sa logique. Si on lui casse sa logique, elle s'effondre. Et à un moment, elle dit, on m'a tout enlevé, mais pas ça. Pas la raison pour laquelle j'ai fait. Pas ça. Elle n'a plus rien. Elle a juste que sa croyance. Sa cage. Sur scène, 6 comédiens, dont 3 jeunes acteurs diplômés de l'Académie de Limoges, ai-je lu le choix des acteurs pour interpréter ce type de situation. J'imagine que ce n'est pas les premiers qui se sont présentés que vous avez retenus. Sur quels critères, quel a été votre critère de choix de ces acteurs? Les quatre acteurs de l'Académie de Limoges nouvellement diplômés, je les ai eus en stage pendant 15 jours, donc je les connais très bien. Je les ai vus travailler sous mes yeux, on a travaillé du Marivaux ensemble, donc un texte classique assez... c'est puissant. Et du coup, je les ai vus. Ce sont des jeunes gens qui ont une grande. Ils sont entiers dans leur jeu. Ils font pas semblant. Et je pense que pour pouvoir jouer ces dialogues en prison, d'autant plus qu'ils ont un micro, il faut une grande vérité. Parce qu'ils sont sonorisés pour pouvoir créer l'intimité dans un grand espace. Donc, pour pouvoir vraiment avoir une grande intimité de l'ordre de l'aveu, de la confession, j'ai fait ce dispositif. Du coup, j'ai besoin d'acteurs qui ne font pas semblant. Tout passe dans le jeu d'acteur, tout passe dans le texte, les textes, puisqu'on parle d'une trilogie, hein, les textes de Stefano Massini. D'un dispositif, parce qu'il faut, pas simplement symboliser des espaces, mais bien les matérialiser, ces 3 espaces distincts. Eh bien, vous allez être surpris si vous venez voir la pièce, parce que en fait, c'est un immense parloir. C'est un immense parloir, unique. Et finalement, c'est les acteurs qui créent les cellules. Il n'y a pas de mur. C'est juste un espace fermé, mais grand. Pour ceux qui ont écouté cette interview, ça sera la dernière question, ce Gloria Paris, dernière question. C'est vrai que quand on parle de sujet d'enfermement, de parloir, on se dit, on ne va pas spontanément aller au théâtre. Comment amener ceux et celles qui nous écoutent à venir découvrir cette pièce et quel argument vous pourriez leur renvoyer par la voie des ondes pour leur dire que c'est précisément le genre de sujet qui concerne tout le monde, en effet? Moi, la raison pour laquelle j'ai monté cette pièce, c'est pas tellement parce que ça se passe en prison, mais c'est parce que ça, j'y ai vu des personnages en rupture de dialogue. C'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, sont dans un conflit tel avec le monde, avec eux-mêmes, avec la mère, avec le père, hein, que du coup, ils ne peuvent plus sortir de cet enfermement qu'ils ont. Et ces trois pièces font le chemin de l'ouverture d'une brèche pour revenir dans la vie, redialoguer et retrouver la possibilité d'un futur possible. Donc pour moi, c'est pas une pièce de prison, c'est une pièce de vie. Comment ? Parce que les conflits font partie de notre vie à nous tous, au quotidien, continuellement. Et la dynamique, comment peut-on désamorcer un conflit et retrouver de la vie là où elle s'est figée ? Voilà. C'est ce chemin-là qui m'a conduit à choisir cette pièce et à vouloir la montrer à un public. Parce que je pense que nous avons tous un jour été dans l'angle mort d'une certitude. Pour éviter de s'enfermer dans sa cage, quelle que soit la nature de la cage, rien de mieux que le dialogue finalement, et c'est un peu tout cela qui est proposé à la découverte. Même un dialogue violent est un dialogue. Voilà, et il permet effectivement de casser et de briser les barreaux et les murs si nécessaire. Cage, donc au pluriel, trilogie de Stefano Massini, mise en scène par Gloria Paris. C'est un spectacle donc à découvrir, une création à découvrir à l'apostrophe, Théâtre des Arts Cergy Centre Préfecture, les lundis 4, 11 et 18 décembre à 20h30, avec avant cela, en amont, une répétition publique auquel bien tout le monde sera invité à participer, à assister le 27 octobre à 19h, toujours à l'apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy. Mille merci, Gloria Paris.